Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space, votre rendez-vous rock'n'roll et musiques expérimentales et voire très punk et voire très bruyantes par moments. Ça commence immédiatement, on est 21h sur le 100 FM de Radioactive avec les Dirt Bombs, c'est parti. Stop thinking about it. I buy the pictures, I watch the shows. How I take it, I just don't know. It's all around, but not for me. I'm slowly losing my sanity. Do I look as stop thinking about it. Can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. Can't stop thinking about it. I can't stop thinking about it. My life complete, but I'm already there. assimilé au mouvement punk, Bijou participe aux deux festivals de Mont-de-Marsan, mais puise son inspiration dans les pionniers du rock français du début des années 60. Tous de noir et blanc vêtus, comme leurs aînés, ils chantent dans leur langue natale à un moment où la plupart de leurs contemporains s'essayent à l'anglais. Signe distinctif, Bijou privilégie les compositions reprises. On dira d'ailleurs souvent à leur encontre, le rock français était mort, Bijou l'a ressuscité. Riff tendu à l'extrême et exubérante énergie, instrumentiste accompli, les membres de Bijou maîtrisent la plupart des styles qui ont vu le jour depuis les années 50. Cette facilité leur vaut bien des jalousies et trahit, ce qui n'est plus vraiment un secret en 1977, leurs 10 ans de métier et de galère. Or, cette rage qui s'est accumulée est enfin prête à exploser. Leurs premières apparitions publiques intimident, ils connaissent toutes les ficelles et savent en user. Le public et les professionnels accrochent, et dans cette seconde moitié des années 70, Bijou devient le groupe de référence. Sa réputation grandit au fil des semaines. Disques et galas se succèdent. Mais comme bien souvent, ces défricheurs qui aiment travailler en totale autarcie ouvrent la voie à d'autres formations qui profiteront pleinement de ce travail, comme Téléphone ou Trust. Et si au bout de quelques années, le feu qui les anime s'éteint, c'est sans doute que le succès est un complice très infidèle. Bijou reste pourtant l'un des meilleurs groupes de rock hexagonal, toutes catégories confondues. Et Betty Jane Rose, qui marque leur collaboration avec Serge Gainsbourg, l'un des meilleurs joyaux de la vague punk. I'm gonna die for life, they're gonna make it to you. Bye, bye, bye, bye, baby, we're through. Well, an average day who teased me so. I can't take it no more, I'm gonna go, gonna go. Honey, I'm gonna go. Well, every word in black and white. Baby, you know you didn't treat me right. Through the alphabet A to Z. Baby, you were wrong to me, wrong to me. Baby, you was wrong to me. Well, I'm gonna leave you high and dry. You made me lonesome, you made me cry. I ain't gonna kiss you, ain't gonna miss you goodbye. Well, I don't type much, but I guess you do. Ooh, baby, you made me cry for you. I don't type much, but I'll do my way. Baby, I'm going far away, far away, far away. Baby, I'm going far away. I'm gonna leave this very day. Well, honey, I'm going far away. Well, you messed me around and you made me sore. Well, baby, I ain't gonna care no more. Don't care, don't care. Baby, I don't care no more. I don't care, don't care. Baby, I don't care no more. We'll be right back. going mad. You know, baby, there's nothing left inside. After all I sold, feel the pressure now, just about to explode. I'm tired of living to cover. Can't stand being undercover. I'm tired of living to cover. Bernard Malacca. Pour notre batteur, le plaisir n'a pas duré. L'interview dans Ostrich a été très vite rendue publique. Tous les parents et les professeurs l'ont lu. Et ses parents se sont finalement arrangés pour l'obliger à ne plus nous voir. Ils étaient avocats et trouvaient de très mauvais goût que leur fils puisse balancer des trucs comme « Mes hobbies sont mastiqués et baisés ». Ils ne trouvaient pas ça drôle. I found no love way to set. It would be. No matter what I'm. for a guide to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Cette fois, c'est du sérieux Pouffa Ronnie Biggs, tandis qu'il accompagnait les Sex Pistols lors de l'enregistrement de la bande originale de La Grande Escroquerie du Rock'n'Roll. Le paradoxe était à son comble. Ce qui s'était le plus rapproché d'un mode de vie pour une génération qui se sentait de plus en plus considérée comme la lie de l'Angleterre n'était présenté par Malcolm McLaren et ses sbires comme rien de plus qu'une illusion raffinée, un tour de passe-passe, une tromperie. Señores y señoras. Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. Here we go. We'll be right back. Action Footwear. Dans ce monde automatisé et dépersonnalisé, l'homme a un sentiment de vide indéfinissable. Le sentiment que la vie s'est appauvrie, que les hommes sont d'une manière ou d'une autre déracinés et déshérités, que la société comme la nature humaine ont été atomisées et sont désormais mutilées, et par-dessus tout, que les hommes ont été séparés de ce qui pouvait donner une signification à leur travail et, à leur vie. C'est ce que déclarait Charles Taylor dans Man Alone, édité par Eric et Mary Josephson, Dell Publishing, New York, 1962. We'll be right back. La Monte Young. J'étais, façon de parler, le petit chéri de l'avant-garde. Yoko Ono n'arrêtait pas de me dire « si seulement je pouvais être aussi célèbre que toi ». Alors j'ai eu une aventure avec Yoko et j'ai fait une série musicale dans son loft. Et sur le tout premier flyer, j'ai mis un avertissement. Le but de cette série n'est pas le divertissement. J'ai été un des premiers à détruire un instrument sur scène. J'ai brûlé un violon à l'IMHA et les gens criaient des trucs comme « brûler le compositeur ». John Cale a commencé à jouer avec mon groupe, le Dream Syndicate, qui répétait littéralement 7 jours sur 7, 6 heures par jour. John jouait des notes de drone spéciales au violon jusqu'à fin 1965 où il a commencé à répéter avec le Velvet Underground. Vous êtes toujours bien calé sur le 100 FM, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock'n'roll du dimanche soir sur le 100 FM. On vient d'écouter un vieux groupe très très punk, Man X, avec le morceau OO, qui était une reprise de Bad Religion. Et c'est l'heure maintenant du live avec Fugazi pour leur tout dernier concert enregistré en vrai. On va en écouter un extrait, hein, seulement 5 morceaux, mais vous allez voir, c'est vraiment très très très bien. Between a car without, I'm a failure, not your failure. next to the family. That little piggy went to market, so they're kicking out everyone. Hey, you don't have to rough the guy up, but let me just tell you a story right now. We played in Los Angeles in about 1991. A guy got up on the PA stack, jumped off it, broke a girl's neck, fucking paralyzed her ass, and sent her out on a stretcher. That is complete moronic, 100-year-old bullshit. If you're interested in 100-year-old moronic bullshit, why don't you do something safe like the twist, okay? Sir, I'm planning a big surprise, sir. God bless for my baby. Check it out. Something to step into. Yes, I go. We go down by down the way. Sur le 100 FM, c'était le dernier concert à l'instant de Fugazi enregistré en 2002. On continue en musique, en expérimental avec Cri Puresa qui chante As Far As I Know avant le deuxième live. Shaking the river, shake off the blinded screen. Don't move the locker, it's four lots on the ground. Come on, little jitter, meet the party is over. Me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and me and make me cry, make me hum, you'll get a jelly break tonight. Oh, drop the batting back on the end, the end, the end, the end, the end. I'll do what you do, take tonight. Thank you. Le deuxième live sur le 100 FM radioactive, c'est maintenant. C'est Ministry, groupe de Al Jorgensen, qui mélange avec bonheur tendance légèrement métal, musique industrielle. On les retrouve en concert. Alors là, je n'arrive pas à retrouver d'ailleurs à quel... Ah si, c'est en 1990, très exactement. Un live enregistré à Merrillville. Et vous allez voir, ça vaut le coup. Et le déplacement et l'oreille.

us a nice smile. Hey, smile for the camera, man. You want to be in a ministry video? Please. Thank you. I pledge defiance to the flag of the United Snakes of Captivity and to the Republic for which it stands. I dip it in kerosene and stick it up the ass of you know who and light it. One nation under God or else. One nation under psychopathic Pentagon gangsters whose idea of democracy is concentration camps for the people who go and use the drugs that the government supplies themselves. One nation under Wall Street. If the cops and the president are all crooks, I might as well be one too. Ha ha! I was afraid you'd go for that. One nation of tabloid robots who actually believe what they see on TV and when asked what they think about it say, I don't care. One nation drowning in its own garbage, indivisible from the fall of Rome, with liberty and justice for all who can afford it. Burn, baby, burn! Old Glory, the Yankee swastika. Burn, baby, burn! Burn, baby, burn! Whenever I see you, I see red. Whenever I see you, I see red. If the communists can do it, why can't we? Throw the bastards out and try some real democracy. Not by rich people, not by army people, not by sons of senators, sons of senators, sons of senators, sons. After all, have you noticed that the more they dole out freedom over there, the more they take it away over here? Now, before it's too late, be a good boy scout. Take the swastika, the Yankee swastika, and let it burn, burn, burn, baby, burn! toujours sur le 100 FM, Lost in Space sur Radioactive, le live, le second de la soirée. Ministry est fini. On continue tranquillement avec Joy Division et June of 44, des morceaux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calmes. Thank you. replace or relate. Can't release or repair. Take my hand and I'll show you what was will be.